au fond près du radiateur. FPP 106.3. Salut à tous, salut à toutes, vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et ça c'est en région parisienne, mais vous pouvez aussi nous écouter partout dans le monde grâce au World Wide Web les amis. Et ouais, invention technologique du 20e siècle dont on profite actuellement, c'est www.rfpp.net, ça c'est pour nous écouter en streaming partout dans le monde. Voilà, nous on est de retour comme tous les mardis soirs de 19 à 20h30 et puis bah on va directement faire le sommaire de cette émission. D'abord on va commencer avec un collectif qui sont nos invités aujourd'hui, c'est le collectif BPM, je dis un collectif. Qui sont nos invités parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous aurez le temps à travers cette émission de vous présenter et de présenter ce que vous faites. Voilà, BPM pour Bitume Plume Musique, on y reviendra. Ça sera la première partie de l'émission. Et puis en deuxième partie, on reviendra sur l'événement qui se passe à Toulouse, le festival d'autodéfense populaire qui a lieu en ce moment même, c'est du 15 au 24 avril, avec des camarades de Toulouse et notamment Raph, en envoyé spécial qui est sur place, qui nous appelleront aux alentours de 20h. Et puis on terminera aussi cette émission avec Anaïs qui nous a préparé plusieurs chroniques, notamment la victoire des salariés en grève de l'hôtel Campanile au niveau de la Tour Eiffel, et sûrement aussi une petite chronique pour remettre les choses à leur place autour de l'intervention de Finkielkraut sur la place de la République. Voilà, on reviendra là-dessus en fin d'émission. Je vous donne les petites infos utiles pour nous joindre, c'est au fond près du radiateur @no-log.org, c'est notre adresse mail pour nous contacter, nous envoyer des critiques, des infos, des contre-infos, des sons, des textes, des photos, ce qui vous semble constructif pour cette émission. Et puis on a un site aussi où vous pouvez retrouver tous nos podcasts, c'est www.aufondprèsduradiateur.fr. Voilà, j'en profite aussi pour présenter Robinson qui a la technique, Anaïs, Mouloud. Salut. Les camarades de l'émission qui sont pas là aussi, Mousse, Raph, qu'on aura le plaisir d'entendre par téléphone. Voilà, on commence tout de suite cette émission avec nos invités, donc le collectif BPM. Donc vous êtes nombreux autour de cette table, alors je sais pas, vous allez vous donner la parole mutuellement. Peut-être on peut commencer par une brève présentation autour de ces initiales. Qu'est-ce que ça signifie? Comment vous êtes nés? Bon nous c'est BPM, Bitume Plume Musique. On est des jeunes du 11e arrondissement et c'est là qu'on s'est fondés. Donc voilà, Bitume Plume Musique, c'est pour rappeler la culture hip-hop. Je pense que vous connaissez la chanson. Nous, on s'est créé notamment grâce à une autre association qui s'appelle Le Clage, qui est située dans le 12e arrondissement. C'est eux qui nous ont beaucoup aidés à la création de ce projet. Notre but, c'est vraiment le hip-hop, promouvoir le hip-hop dans Paris. Donc nous, on organise beaucoup d'événements et c'est par ce biais-là qu'on promet ça. Je pense que je vais laisser les autres enchaîner sur leur domaine. Par rapport à Bitume Plume et Musique, notre association qu'on a créée il y a à peu près 8 mois maintenant, j'aimerais parler de comment ça s'est fait à la base, parce que ça, c'est quand même c'est des rencontres qui se font et qui mènent à des projets, c'est toujours assez beau. Mon ami Valentine, qu'on appelle plutôt Valentin ici présent, traînait comme chaque jour au quartier. Et il a rencontré un homme qui sans lui, on ne serait pas grand-chose, il faut l'assumer quand même. Monsieur Julien Henrique, qui est animateur socioculturel à l'association du Clage. Et il est venu lui proposer à la toute base un projet rap, du coup. Il montait un projet qui était un accompagnement personnalisé au travers de la musique. Il fallait monter un groupe, sortir un projet, l'enregistrer, apprendre à faire de la com autour, faire des clips, des concerts, prestations scéniques, tout ça. Fallait apprendre toute la prestation scénique, tout ça. Du coup, après, on s'est monté en groupe, tout d'abord, trois MC, l'Asphalt, composé de Valentine's, du coup, moi, Pablo, et puis SF, qui est pas loin derrière moi. Et à la fin de ce projet, au bilan, on s'est demandé genre sur quoi ça allait ouvrir. Et c'est là où on a commencé vraiment à penser à se monter en asso pour pouvoir au final, rendre l'appareil, rendre ce qu'on nous avait donné, pouvoir donner la chance à d'autres rappeurs qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir monter sur scène, pouvoir aller en studio, tout ça. Et c'est de là que nous est venue vraiment l'envie de se monter en asso et monter ce collectif et faire bouger les choses. Quoi. Ouais. C'est surtout un groupe de potes qui s'est créé du coup grâce à ça. En fait. Ouais, aussi. Ouais, parce que permettez-moi la réflexion, mais en fait, on est beaucoup à être passé par ces phases-là, à un peu traîner, se gratter le cul, essayer de faire des projets peura et que ça mène à nulle part finalement. Ça fait, je pense, une bonne vingtaine d'années qu'il y a beaucoup de générations de jeunes qui ont connu un peu cette galère un peu contre-productive. Aujourd'hui, vous dites donc que c'est des rencontres en particulier qui vous ont fait vraiment concrétiser vos projets, parce qu'en fait, des projets comme ça, il y en a des milliers qui finissent à la poubelle. Aujourd'hui, vous organisez des événements, vous essayez de promouvoir quelque chose, une culture, et finalement, c'est au gré de ces rencontres-là que ça s'est vraiment concrétisé. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, au départ, on avait vraiment... Enfin, comme tu l'as dit, il y a plein de projets qui finissent à la poubelle, tout le monde... Enfin, beaucoup de gens qui aiment le hip-hop, des projets artistiques, que ce soit album, essayer de faire des événements, etc. Et nous, on a vraiment eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a dit « Vous pouvez le faire, en fait. Si vous en avez vraiment envie, vous pouvez le faire. Il faut juste, justement, au moment, sortir les doigts du cul et vraiment vouloir avancer et faire des rencontres avec d'autres personnes, oser y aller, oser participer à des choses qui, au départ, peuvent paraître... nul, des petites fêtes de quartier, référence à la fête de la baleine, qui est une fête du 12, une fête vraiment du quartier avec tous les papas, mamans, des gens avec qui on a pu grandir. Faire des petits concerts dans ces choses-là, montrer sa tête, se faire voir petit à petit. Et il nous a dit, voilà, il y a un moment où il faut vraiment vouloir le faire et c'est pas compliqué en fait. Il faut juste, prendre sur soi et se dire, bah, faut bien démarrer quelque part. Et au final, aujourd'hui, ça nous a permis de monter. Là, on a organisé deux événements. Deux événements, c'est pas vraiment à nous dire, ça c'était bien si les gens ont aimé. Après voilà, on a eu des bons retours, on a fait ça au Babel Café le 20 février, on en a fait un, donc c'est open mic concert. L'open mic s'est très bien passé, le concert s'est bien passé, tout allait bien. Ensuite on a fait un deuxième à la Ferronnerie, qui est une salle de concert qui appartient justement à l'association du Clage. Et donc c'était il y a pas longtemps du tout, là c'était le 9 avril, voilà, ça c'est pareil, très bien passé. Voilà, donc ça nous a permis de faire des choses. Mais voilà, c'est des projets qui, si on veut, on peut, quoi. Il suffit de sortir du cul et d'y aller un moment. Et on a eu la chance de rencontrer ces gens-là, justement, qui nous ont aidés, qui nous ont parfois mis des petites tapettes parce qu'on commençait à se délaisser un peu. Et je pense que vraiment, ouais, c'est grâce à eux qu'on est là, et même ici. D'ailleurs, merci à Samir qui nous a eu cet entretien. Ouais. Et voilà, nous, voilà, donc ces événements, sans eux, ça aurait été vraiment compliqué, quoi. Et du coup, je voulais revenir sur les initiales de votre collectif, c'est BPM. Ouais. Donc... PM pour Plume et Musique, on est en train d'en causer, et B pour Bitume, ça a quelle signification ce mot-là dans votre collectif ? Bah, en fait, nous, à la base, je vais le dire de manière un peu scolaire, même si j'aime pas trop, bah, on avait trois objectifs un petit peu, c'était promouvoir la culture hip-hop, soutenir à la création artistique, et puis favoriser l'engagement des jeunes dans tout ce qui est de projet de vie de quartier et de choses comme ça, et si tu veux, Bitume, ça correspondait assez à cet aspect-là. Donc, essayer de favoriser l'investissement des jeunes faire en sorte qu'il y ait des projets qui fassent avancer les trucs et qu'on ne reste pas là à galère et à rien faire comme souvent. Après, bah, Plume et Musique, ça correspondait assez aux deux autres objectifs. Donc, soutenir la création artistique et puis promouvoir la culture hip-hop, tout ça à travers open mic, freestyle, concert, des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu, quand vous dites participer à la vie de quartier, c'est quoi comme, en fait, qu'est-ce qui vous attire dans ce qui n'est pas proposé de fait, en fait, vers quoi vous êtes allé, en fait, vers quels exemples vous pouvez nous donner ? Bah, en fait, à la base, nous, depuis tout petit, on voit un peu la vie associative de notre quartier, par exemple la fête de la baleine dont on a parlé. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose dans notre quartier, en tout cas pour d'un point de vue associatif, par rapport qui puisse parler aux jeunes, tout ça. Et on avait envie de même si c'était sur des projets qui tout de suite un jeune il se dirait moi je m'en fous de ça, qu'il se mouille un peu, il y aille aussi et il voit ce que ça donne et puisse rencontrer des gens qu'il aurait peut-être pas rencontrés. Donc par exemple un exemple assez concret, on a participé une disco soupe qui a été organisée en partie par le local interassociatif qui est tenu par Samir qu'on a cité tout à l'heure. Et donc le but, c'était que un peu toutes les générations se rencontrent, qu'il y ait de la chaleur humaine en hiver, tout ça. Donc ça finissait par un concert, donc il y avait un peu cet aspect musique aussi pour nous, ça nous plaisait bien. Et puis après, on a participé dans tout, quoi. Ouais, couper des légumes, faire la soupe, parler aux gens. Il y avait des activités de théâtre aussi, il me semble. Donc ouais, c'était pas uniquement musical, et il y avait un but assez... Comme ça, nous, on pouvait aussi, de par le rap, amener des jeunes, tu vois, à un événement de quartier qui serait sûrement jamais allé. Et là, comme ça, voilà. Aussi, je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui, les gens des quartiers qui voient les jeunes en bas de chez eux, ça, ils peuvent souvent avoir une mauvaise image, se dire oh, ils font chier, ils sont tout le temps en bas de chez moi, bah que... Là, on n'est pas que en bas de chez eux à les faire chier, on est aussi à participer à la vie de notre quartier, et on se sent concerné, quoi. C'était ça le but. Ouais, puis il n'y a pas que ça aussi, niveau citoyen, on a commencé à s'engager dans un projet de budget participatif qui est destiné à la rénovation d'un endroit dans lequel on est souvent, tous les jours. Et bah voilà, parce que bon, on sait que c'est un endroit à force d'y traîner, bah, il est sale, tout ça, les habitants ils s'en plaignent constamment. Et bah c'est juste en face justement de l'annexe de l'association dont on vous parlait tout à l'heure, où s'est créé l'association, le groupe de rap, tout ça. Et bah du coup, pour nous, c'était un... C'est un lieu qui nous tient à cœur. Ouais, quoi. Voilà. C'est un lieu qu'on aime. On s'y sent chez nous, quoi, vu que nous, on a tous nos projets là-bas, et on avait envie de donner une image de gens qui participent, qui s'investissent, et pas seulement de gens qui traînent et qui dégradent l'endroit. Nous, parce que, en soi... À partir du moment où les gens, tu leur dis que toi, t'es apte à t'entendre avec eux, à proposer un projet vraiment carré, tu leur structures, tu leur envoies un dossier à la mairie, tout ça, les gens, ils se disent waouh, le gamin, il a 17 ans. Et... Ouais, tout de suite, ça fait réfléchir. Ils se disent ah ouais, ok, ils sont entre de bonnes mains, je les connais, l'association d'en bas, tout ça. Ça facilite les relations avec le voisinage, tout ça, et mieux ça se passe, mieux c'est au final. Mais c'est pour ça, moi, je voulais rebondir, même on se disait ça un peu hors antenne. C'est tel que c'est présenté dans votre collectif, c'est des initiatives entre guillemets citoyennes. Moi, ça me fait un peu tiquer dans le sens où justement, j'ai l'impression que citoyen, ça correspond pas à ce que vous faites. Citoyen, c'est une case dans laquelle on veut nous mettre, dans laquelle finalement on se retrouve que si on vote une fois tous les 5 ans. Et Mouloud, ça le fait rire, mais c'est très bien. Et finalement, on accepte toutes les miettes qu'on nous donne. Et finalement, par votre démarche, c'est plus que des miettes que vous acceptez, c'est peut-être autre chose que vous allez chercher. Et du coup, ça rentre plus dans une démarche de dynamique populaire, pour moi, je l'entends plus comme ça, que dans une initiative citoyenne à proprement parler. Je ne sais pas si ça vous intéresse de rebondir là-dessus, sur ce mot, en fait, sur cette terminologie citoyen ou populaire. C'est justement aussi, enfin, je parle vraiment pour nous qui n'avons. On est jeunes, voilà, on a entre 17 et 18 ans. Personnellement, encore jamais voté. Et ce mot citoyen, pour nous, il n'a pas la même, comment dire, il a pas le même impact. Et justement, dire bah, être citoyen, pour nous, ce n'est pas que voter et faire des choses. C'est aussi justement, quand on est en bas d'un bâtiment et qu'on jette des canettes et des trucs, et pouvoir dire aux gens en dessous, bah, genre, on aimerait mettre des poubelles et faire des choses, tu vois, dans le quartier, participer à la vie du quartier, à la ville, tout court, changer un peu l'image de la rue, parce que, voilà, nous, on traîne dans la rue, on n'est pas pour autant, enfin, tous les gens qui traînent dans la rue ne sont pas des caïds et des voyous, il y en a qui traînent aussi pas dans la rue et qui sont des caïds, des voyous, et c'est changer cette image-là et dire, bah voilà, nous, on est aussi, enfin... On participe à votre vie tous les jours. Voilà, aussi, on est comme vous, et pourtant, bah justement, on vote pas, on n'a pas tout cet aspect-là du mot citoyen, et on veut quand même participer à ça. Il n'y a pas que ça dans ce mot-là, quoi. C'est aussi ça un peu que nous on voulait renvoyer. Qu'on véhicule, ouais. Ok, je sais pas si ils m'entendent à la technique. Si, on va faire une petite pause musicale si vous êtes chaud. Je crois qu'on va se passer un petit extrait de la mixtape du Gouffre. Ouh. C'est un son de Chariot, on écoute ça tout de suite au fond près du radiateur. S-H-E-R-Y-O. C'est pour le coup, frérot. On est là. Je de la haine depuis des dizaines d'années. La plupart c'est MC, j'étais même pas né. C'est pas de leur faute, c'est pas de la mienne. J'ai toujours été là, je reste le même, quoi qu'il advienne. La clique c'est LBN, ça frappe comme dans des cannes. Ça rappe jusqu'à ce que ton zen saigne. Tu veux nous clasher? Vas-y essaye. Dès qu'on touche le MIC, tout ton crew bégaye. Je calcule pas comme si t'étais de Marseille. Tu finis par terre si tu testes mon cartel. Tu connais le quartier, 9-3-5-0. C'est là que tu vois S-H-E-R-Y-O. Je vais ajouter un peu de piment dans le ciment, sans attendre de remerciements. Ce que je fais c'est pour toi, toi, lui et elle. Distributeur de rimes irréelles. J'suis plein de rancune, j'crée des scandales. Quand j'arrive c'est en balle avec une armée de vandales. C'est eux contre nous, on distribue des coups de coude et des coups de genoux jusqu'au bout. J'suis plein de rancune, j'crée des scandales. Quand j'arrive c'est en balle avec une armée de vandales. C'est eux contre nous, on distribue des coups de coude et des coups de genoux jusqu'au bout. En mode abominable, demande à Neo Clash. On vient serrer vos schnecks et vider vos flashs. Conçu pour baiser celles comme dans des BZ. Je le répète, l'emblème c'est LBN. Chasse le naturel, il revient au galop. Je veux prendre du galon dans ce game de merde. Je viens confisquer le ballon. Truc de barge, tu rhum avec du sucre de canne. Pendant que tu t'es fourré comme une pute de dame. Trop de cam, tu finis par terre. On dit des styles comme si on habitait la cité Carter. J'ai déjà dit, je reste street. Tout est truc de bolos. À vrai dire, ça me stresse vite. Encore une fois, c'est pour le goût, frère. Tu finis sous terre, surtout quand je suis sous bière. Contrairement à toi, je suis pas un MC intérimaire avec des rimes de demeure. Je suis plein de rancune, je crée des scandales. Quand j'arrive, c'est en balle avec une armée de vandales. C'est eux contre nous, on distribue des coups de coude et des coups de genoux jusqu'au bout. Je suis plein de rancune, je crée des scandales. Quand j'arrive, c'est en balle avec une armée de vandales. C'est eux contre nous, on distribue des coups de coude et des coups de genoux jusqu'au bout. S-H-E-R-Y-O, c'est pour le groove, tu connais frérot. 9-3-1-5-0, LBN. Ok, on est de retour dans l'émission Au fond près du radiateur. Comme tous les mardis soirs, 19-20h30, on va enchaîner tout de suite donc avec les invités du collectif BPM, Bitume, Plume, Musique. Et désolé, une vitre nous sépare dorénavant, mais on a dû reprendre un peu dans le speed. Si vous voulez rebondir peut-être sur le débat qu'on avait juste avant autour de la terminologie citoyen ou populaire. En tout cas, c'était vachement intéressant ce qu'on se disait. C'était un bon axe de discussion. Donc, je sais pas s'il y avait quelqu'un qui voulait rebondir parmi vous. En fait, nous-mêmes, je pense que par rapport à ce que disait Antonin tout à l'heure, je pense qu'on voit cet aspect citoyen, comme l'a décrit Antonin, du coup, mon compère. Même à travers la musique, nous, notre démarche, c'est d'essayer de faire participer tout le monde. Quand on fait un open mic, notre but aussi c'est de faire vivre le quartier dans lequel on est. On avait souvent pensé au début, ça s'est pas toujours fait, mais à vouloir aussi inviter des rappeurs du quartier dans lequel on est, pas nous, mais où on organise l'événement. Du coup, et essayer de toucher un maximum de générations, pas forcément que des jeunes de notre âge, on voulait tous les âges, pour qu'ils puissent aussi peut-être voir des rappeurs de leur quartier qu'ils n'auraient jamais vus et qui toujours dans cette démarche de changer un peu ces visions un peu bloquées qu'on a sur les jeunes, tout ça, qui rappent, qui font du bruit la nuit avec leur scooter, tout ça, essayer de changer tout ça, et que les gens ils puissent venir voir ceux qui sont vraiment des terres, qui viennent sur scène et qui se bougent, qui n'ont pas peur de se mouiller. Tout ça, c'était vraiment important pour nous, parce que le rap, ça représente des valeurs. Autant que les mots citoyens, populaires, tout ça, pour nous, le rap, ce mot, il représente beaucoup de valeurs. L'égalité, la fraternité, présente dans nos devises, tout ça. Non, sérieusement, ça représentait beaucoup pour nous et c'était très important de le promouvoir à notre échelle. Et ça, pour nous, rien que ça, finalement, je m'en rends compte, c'est une action citoyenne aussi pour moi. Alright, je viens d'arriver, donc bonsoir. Hein, bonsoir. Vous connaissez l'émission, on est en direct, c'était fou, on est en retard, je suis en retard. Alors ça a l'air super bien, il y a plein de monde dans les studios ce soir, un gros big up à vous d'être là. Alors, merci. J'ai une question comme ça, à brûle pour point, parce que j'ai repris le mic au poteau pendant l'interlude. Est-ce que vous faites que du rap ou est-ce que vous faites tous les éléments du hip-hop? Comment ça se passe? Si tu veux, on a parlé tout à l'heure de la disco soup qu'on avait fait. C'était les trois. Il y a trois rappeurs dans le collectif BPM. C'est l'Asphalte, et eux, du coup, à cette disco soupe, ils ont monté sur scène, et pendant leur concert, il y avait un collectif de breakdance qui dansait devant eux. Donc on essaie aussi d'atteindre tous les niveaux. On voulait faire intervenir le graphe dans nos événements. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des conventions, etc. Et on a eu du mal. Mais c'est vrai qu'on essaie aussi d'atteindre tout. Quoi. C'est pas que le rap, c'est vraiment la culture qui nous intéresse. Et on essaie de faire de plus en plus, même si le rap c'est le plus accessible pour nous parce que c'est vraiment là qu'on est. Mais voilà, on veut quand même s'expandre à cet endroit hip-hop, ouais. S'extrapoler. Je peux poser une question ? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le rap exactement, en termes de référence, je sais pas. En termes de référence ? Ouais, je sais pas, ce que tu écoutes, toi. Ce que j'écoute. Comment t'es arrivé au rap ? Comment je suis arrivé au rap ? Bah moi, personnellement, j'ai commencé avec le rap américain. D'accord. J'ai commencé à écouter du Jay-Z, C'est vraiment de la rap. Au début, j'écoutais vraiment le rap de mon temps, quoi. Je me perçais pas vers les bases, vers les fondements. Mais avec le temps, j'ai commencé à apprendre le rap français aussi. Bon, le rap français, encore une fois, de l'époque, hein, de mon époque, pas les anciens. Et c'est vraiment assez récemment, peut-être 2-3 ans, que je me suis redirigé vers les fondements. J'ai écouté du... Ouais, vous connaissez, hein, du Nas, du Booba, Lunatic, même des Sage-Po, tout ça. C'est grave, c'est un peu ce que j'écoute beaucoup. Mais je pense qu'on est tous à peu près dans ces références musicales. Ouais, moi c'est le rap américain qui m'a amené au hip-hop. Ouais. C'est comme ça que j'ai découvert. Bah du coup, je sais pas si là on va aborder peut-être les 5 dernières minutes de la discussion qu'on se voulait en fait pour présenter un peu votre collectif. Donc peut-être pour finir, parler des événements que vous organisez. Vous avez organisé votre deuxième bloc party, en fait, entre guillemets. C'est peut-être comme ça qu'on peut appeler ces événements, je ne sais pas. C'est flatteur. Ouais. On verra, on essaiera d'être à la prochaine pour voir si ça correspond vraiment à ça. C'est toujours gratuit, faut le savoir. Ouais. Voilà, du coup, voilà comment ça se passe. C'est quoi exactement comme événement? Et peut-être, est-ce que vous avez une date pour un prochain ou pas encore? Ok. Alors la date, ça va être. Vas-y, SF. Ouais, bah, voilà, on a monté l'association. Il y a 8 mois. Il y a 8 mois. On s'était vraiment donné deux événements organisés. Donc on a organisé là, ça y est, on s'était dit vraiment ces deux-là, on les fait sûr. Et ensuite, en fait, là maintenant, on va plus se mettre sur des collaborations. C'est-à-dire que là, en fait, on va co-organiser, je peux appeler ça, encore une fois, j'ai du mal à y croire un peu moi-même, mais le festival Monte le Son, qui avec Hip Hop Citoyen, les médiathèques de Paris, Bibliothèque, un festival donc ça sera sur plusieurs jours, et nous on va organiser dans tous ces jours une soirée jeune hip hop amateur, jeune talent BPM en fait. Donc on va faire une petite soirée avec les jeunes talents BPM, les talents qu'on a pu avoir nous durant nos événements, les gens qu'on a aimés, on s'est dit voilà, eux ça nous plaît, il y a un message derrière, il y a quelque chose, on va essayer de les faire passer voilà sur une scène. Donc on aura 3 rappeurs, c'est une demi-heure par rappeur, voilà. Donc d'ailleurs on en parlera et voilà, donc dans un vrai festival, mais donc voilà, on essaye plus de se mettre sur des collaborations avec d'autres choses, parce qu'en fait là, en organisant ces deux événements, on a fait face à des problèmes, on est aussi jeune, on a envie d'en savoir plus sur comment les autres font, etc. Et on n'a pas envie d'arriver en donnant directement, voilà, nous on fait ça et on se bloque à ce qu'on fait nous, on a envie de découvrir ce qui se fait autre part, on a envie de prendre de l'expérience, envie de voir comment les autres fonctionnent, on a envie de découvrir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de rappeurs aussi, comment ça fonctionne, que ce soit des questions bêtes, mais des questions de budget, des questions d'endroit, des gestions, du temps, de tout apprendre, ça, on a envie d'apprendre. Donc voilà, on se met plus sur des collaborations maintenant. Puis aussi je pense que ce qui est important pour nous aussi, c'est nous inscrire durablement dans le paysage associatif, pas non seulement de notre quartier, mais de Paris en général, parce que c'est en partie là qu'on a grandi et qu'on s'est fondé, comme on disait tout à l'heure. Donc voilà, pour nous, c'est assez important de s'inscrire réellement dans le paysage associatif, que les gens, quand on leur dit BPM, disent « Ah ouais ». Je sais de quoi on parle. Ouais, et pour venir d'ailleurs, parce qu'on a pas parlé du coup des deux événements qu'on a fait, c'était un format open mic concert sur les deux, c'était pas dans le même ordre, mais c'était à peu près la même chose. D'ailleurs, ici présent, on a deux rappeurs qui étaient finalistes de notre premier open mic, LDTR et Tekme, ils sont là, ils vont rapper au freestyle. Et voilà, donc nous, on procède comme ça, on organise des sélections des 3 meilleurs rappeurs de notre open mic et on le met sur Facebook pour avoir aussi, pour se créer une communauté internet. Pour du coup utiliser cette plateforme qui est internet pour mettre en avant d'autres rappeurs par la suite. Voilà, je pense qu'on a réussi peut-être à faire connaître des finalistes à d'autres, parce que voilà, c'était une plateforme d'échange. Et nous, voilà, donc ça, c'est aussi un impact qu'on a sur... Bah, ce que je vous propose, parce qu'on est un peu pris par le temps, c'est justement d'écouter un peu les freestylers qui sont présents. Carrément, sûr. Justement, bah, vas-y, Janos, my man, à la régie, si tu peux balancer la première instru. C'est une petite dédicace, cette première instru. C'est la prod de Fab Buffa. Je vote pas pour toi. BPM, LDTR, ça dit quoi? Yo, tu veux que je t'adise? Tu sais ici, ouais, on improvise. 9-3-2 parce qu'H24, c'est la rime qu'on aiguise. Non, jamais on se déguise, poto, c'est pas Halloween. Mais quand je prends le MICM pour BPM, je commets des crimes. T'as capté le dièse ici, on est à l'aise en direct du 019 pour mon 93. T'inquiète pas, mon cas pour les grands, les petites tailles. Appelle-moi Haribo que du sale, ouais, quand on part en freestyle. Tu connais le dièse, wesh les gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, MC? Ouais, on fait des dégâts au MIC. Ouais, par ici, on fait du sale. Tu sais qu'ici, le MIC, on peut le kicker jusqu'à 6 du mat. Y'a pas de galère, poto, le flow est instable. En plus de ça, y'a une bouteille et un bonnet sur la table. Et c'est comme ça qu'on fait, mon gars, au microphone. On fait du RAP, on aurait pu faire du reggaeton. Wouh! Ouais, ouais. Hi. FPP. Ok. BPM. Check. Hi. L'asphalte, ok. Yeah. On est paresseux, mais ça c'est pas récent. Bon qu'à plier des samples, on est blanc mais indécent. Et sentirement, on va s'en sortir, ment. Même si je suis encore là à dépenser mes sentiments fumant. Ce flot insolent sort des foyers incandescents. C'est sûrement pour ça que ça sent la résine dans tout le bâtiment. Ils nous l'ont dit gentiment, décalé de là les petits. Où vous allez finir par faire partie du mouvement. Mais c'est déjà fait quasiment, alors assimile mes rimes. Lève tes bras ou enlève tes bas, mais fais partie du mouvement. T'es mal balancé et sans vouloir me vanter. Mais qui est-ce qui a dit que je pourrais jamais te faire danser? Moi, ah bon, admettons. Mais maintenant que je suis là pour te mettre bien, fais-moi plaisir, cousin, pousse le son. Je débite des tonnes de pète de ligne à la seconde sur les ondes volubiles. Corazène, le beat à la fête du butin, un rêve sans effrite, mais funk le monde. Yeah, ouais, ouais. Ah ah ah, Tecmé, ça fait 1. Puta madre, vous voulez vous pavaner? Toi, t'es pas du tout calé, car l'écart est fou, sale taré. Tant de fouf mal famé. Qui se saoule à tracher, ça parle de sous à l'appel. Mais si tu joues mal, arrête. Je roule un spilililif, et puis tout m'apparaît. Pendant que vous vous chamaillez, je vais niquer toute la planète. Je sais que tu t'en fous, toi Stanley. Mieux à du shoot à Stanley. C'était nu à grandi, veut sa revanche. Tu crois que tu joues qu'à l'aller. Eh, tout a changé le jour où un genou ne m'a parlé. Et les aînés, je suis né l'année où tout pas canné. Oh, je m'éloigne de vous, y'a une foule qui a parlé. Dans mon crew, y'a tout babé, puis tout basané. Viens dans la maison hantée. Tu trouveras Kawel, faut pas trop que tu me pousses ou bien moi je te pousse la falaise. Tape un foot, t'as un mec, ici y'a tout par de l'amener. Ouais, et ouais. À la fin je finirai dans les dessous de la mariée. Y'a star. Ok. Valentine, ça dit quoi? Eh, hey. Je gratte depuis tout gamin, je kiffe, ça finira jamais, je veux rapper tant que j'ai de l'inspi. Ouais, ouais, ouais, tant que j'ai de l'inspi. Je n'ai pas séché les cours, mais j'ai niqué l'instit, je répète. Je gratte depuis tout gamin, je kiffe, ça finira jamais, je veux rapper tant que j'ai de l'inspi. Ouais, ouais, ouais, tant que j'ai de l'inspi. Je n'ai pas séché les cours, mais j'ai niqué l'instit. Eh, eh, eh, putain, comment le dire, wesh, quand est-ce qu'on grandit? S'il vous plaît, cessez de croire que les grandes stars sont des bandits. Ça se tape pour des centimes, braque pour de l'estime. Quand je respire du ketama, c'est bénéf pour mon SB. Je vais skiller bleu à tous les coins de Richie, t'es bleu. Et si t'es deux, si matriculé 7-5, pariez-le, pariez-le, on va tout baiser cette année. Ouais, ouais, ouais. Pariez-le, moi je le parie, tous tes gavas vont détaler. Bientôt je les ramasse à la pelle, ces gavas me font de la peine. Je n'ai pas séché les cours, j'avais la rue en double appel. Ça part en fight club, car t'as marché sur ma paire. Voilà, si on s'avance des vies, c'est que dans la note, y'a rien. Je gratte depuis tout gamin, je kiffe. Ça finira jamais, je veux rapper tant que j'ai de l'inspi. Ouais, ouais, ouais, ouais. Tant que j'ai de l'inspi, je n'ai pas séché les cours, mais j'ai niqué l'instit. SF. Un blanc qui rappe, on l'interne. Ça fait trop longtemps que j'attends, ça c'est qu'on vise le butin, frère. Ferme ta gueule et roule interne. Un tel m'a dit que là-bas ça kick est victime. Ouh. De ma répute, j'écoute ses fils de putain faire. Évidemment, tu l'as cherché, autant rouler du guetama devant l'Elysée. Je nourris la mienne, moi, pendant que ta mère va tapiner. En bas de ma rue, les filles te règlent à coup de fer à lycée. Je fais partie de ceux qu'on vit le psy venir un verre à teaser. Mais qui c'est ce type, papy à lui sous les gencives. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Papy à lui sous les gencives, ouais. SF. Ouais, ouais, ouais. Hein. La vue d'une sale fenêtre, ça promet. J'apprenais mes symphonies soir à parler de moi sous ma polaire. Harcelé par mes erreurs et tard la nuit tombée. Je voulais déjà pas vider mon verre, maintenant la drogue a succombé. J'ai vu combien sous l'un de personnes ont surmonté. On surmontait la pente à long terme et l'attente de l'attente optique, on enterre santé. En parlant d'elle, elle a dû longtemps patienter. J'ai des revêts par centaines et je peux rien faire à part chanter. Je suis pas gentil, bien il paraît. Et tout le monde me dit pareil, je suis égaré quand y'a plus de barrettes. Tout le monde disparaît, rempli de paresse. Je rappe, écrivain, t'es mal les cordes, vocal, le corps devant le décor en glauque comme appareil. Et c'est d'ici, laisser des traces, c'est crasse, c'est cassé, mal vu par les copes. On a les codes de la Casa Negra. Je suis d'assurance pour dire qu'on a les gables, le poids sur nos épaules, vin dans nos ruelles. Et tu verras ce qui se passe n'est pas légal. On ne baissera jamais les yeux, pourtant on a baissé les bras. Mesdames, messieurs, je vais laisser Dieu les cieux nous juger de scélérat. Et t'as craché sur la daronne, enculé, maintenant recule, tu peux te la mettre au cul, ta parole sort en cul, je t'aime. Je te mens pas, je m'en pars, mon frère est sûr que je vais percer. Moi j'attends que la foule en parle, l'emballe, l'emballe. On a rien à se mettre sous la dent. On craque sous la pression et la pression craque sous la tente. Alors on braque sous la tempe en pensant à un proche. S'approche, certains se réveillent la nuit en cauchemardant du proc. C'est propre, ça non, ne me dit pas que c'est propre, c'est net. C'est vous les lopes, ça, c'est nous les procs, c'est net. J'ai mes aveux, j'avoue, je regarde ailleurs, je pense à mes yeux, leur labeur et je colle un dos au garde à vous. Je me le suis dit au moins sincèrement sans foi. Sans quoi, le comble d'un rappeur, j'aurais peut-être fini ma vie sans voix. Ah, et de finir ma vie sans voix, ok. Et de finir ma vie sans voix, ok. BPM. Ouais, ouais, framoisin, la spirale. Y'a trop d'MC à flinguer. Appelle-moi le nettoyeur, envoie le MIC. Tu verras qui c'est qui met le fire. Souvent terminé premier dans la plupart de vos concours. Un style recherché comme le One Piece ou la richesse de Bétancourt. Les rimes pleuvent, ça soulage mes envies de meurtre. Ma vie un long métrage, mes sons ne sont que des teasers. Je suis un kicker, vite va le dire à ton speaker. Des fois je suis pris de peur, inquiet pour l'avenir de nos petites sœurs. J'ai arrêté les punchlines, j'envoie des frappes de King Kong. Aller-retour en prison, on est des balles de ping-pong. Ouais poteau, faut du bif, faut du Vuitton. On n'est plus des petits cons. Vive comme des pitons sur scène, j'ai tout plié. Kické avec des piliers, écrit des titres par milliers. Je suis toujours pas fatigué. Non, t'as pas idée, j'en vois que de la qualité. Je vois les MC tapiner, ça me donne pas envie de signer. Tout le monde la main en l'air, je suis là pour quebrer le game. Lyrical attentat, ouais, t'as compris, c'est ça le thème. Elle déterre, t'as capté, c'est my name. Je peux tous les fumer si je veux, mais bon, là j'ai la flemme. Genre du bâtard, placard, j'ai la tech. Ouais, en improvisation, ouais, ouais, j'ai la tech. J'ai bugué, mais ici on se reprend. Wesh, les gars. Si vous êtes chaud ici, je veux vous entendre. Ouais. Hi, hi, FPP. Hi, yeah. Hi, BPM. Ouais, ouais. Hi, hi, FPP. Et BPM, ouais. Ok. C'est quoi les jets? Check. Ok. Yeah. Ok. De retour, c'est notre comeback sur le ring pour un nouveau combat. Retour aux sources, ça sort du lot comme une punchline sur un boom bap. Ce semble, c'est ma seule arme, harcelée par des idées noires. J'ai la phobie des bracelets, comme d'être gravé dans le cœur d'une femme avec que des sentiments en poche. On refait ce monde paron, on en veut à nos parents. Mais est-ce qu'on fera mieux une fois daron? En attendant, tardant la nuit, je barre au tuy. L'allégorie de ma ville, du haut de la tour Eiffel jusque dans ses bas-fonds, j'ai une vieille douleur qui me taraude. Quand je vois ces gosses en caisse ou sur un deux roues sans casque qui s'encastre à l'entrée de l'autoroute depuis mes 8 ans d'âge, j'avance comme ça. Les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages. Nuages dénués, syllabes descendent du ciel et mes synapses brillent. Tandis que le bout du tunnel s'éloigne de rime en rime. Je m'exprime pour tous dans un duel d'escrime contre moi-même. J'ai peu d'estime pour ceux qui s'aiment en chiffres et pourtant c'est ce qu'on sait. Mais dis-moi qu'est-ce qu'on sait, à part qu'on est loin d'être éternel. Les karmatons se creusent et c'est moi qui tiens l'appel. Yeah. Oh. Oh. Ici ces flots font forme simultanément. Toi tu crois que t'es au top, mais elle simultanément. À t'écouter la concu et c'est nul que t'as tes chances. Toi tu tombes à pic, j'ai une minute alléchante. Ok, si mon danse liméqué, si putain alléchante. Des petites feuilles alléchées dans le vestibule pas très grand. Je place ma passe des petites virgules après je chante. Je touchais un cachet avec ces bulles après le sang. J'ai forte impression, je fais de la zigmule à terre 30. Et pas que sur les instrus que les minus t'appelaient grand. Regarde-moi dans les yeux, sinon ça stimule ma méfiance. On va faire un jeu, je vous sers un petit jus à l'essence. Yasta. Hey, c'est des rimes crues que je rappe et pense. Si tu veux pas de pépin, ne divulgue pas tes plans. En plus tu m'as pépon, t'as le vice du d'acheter 30. M'appelle pas mon frère, ça stipule l'allégeance. Depuis ma naissance, la figure d'un méchant. J'ai pas exprès, mais rien que mes rictus frappe les gens. Maintenant t'avises plus de m'appeler gant. Y'a tes putes à tes go qui scrutent chaque dépense. Ils pensaient que j'allais rester à l'abri bus à tes champs. De chier sous alu dans la mixture ma démence. À me dire que la tête dans la lune, l'altitude va me détendre. Mais je la dilue rarement, donc la tise russe ça déteint sur mon comportement à l'issue de ma descente. Plusieurs personnes dans ma tête, je mis sur la méchante. Avec le diable sais-tu qu'on s'habitue à ses dents. Toi t'es pas un dur mais tu te situes à ses dents. C'est pas pareil que les queumés qui gesticulent à l'écran. J'ai la technique interdite, ramène digus, la déclenche. Et pour les petites puces, j'ose les prix jusqu'à décembre. Rec puce, pisse sur ta légende. Yeah. Ouais. Yeah. Ok. Ok, yeah. Check. Soul King broke. Ok, rap khatar, flotte, casseur de bouche. Mon gauré, mon pico, mon cahlouche. La hnouche, me regardent louche et savent que je suis de la descendance de Morat des douches. Oh, j'arrive sans faf à Paname comme la frappe du Rockman. Argot de blédard, maghrébin, t'as la casse-bas. Cramé comme barbeuse, wesh le buzz. Joue pas les deux gars, au pinel te buzz. J'ai quelques frères gangsters comme Sarko. J'aime pas le Moras, mais nique ça à Samorano. Parano, à cause du cacheton dans le café et dans le bendo c'est le coffee. Qu'info authentique, Takadavi. Le rap est khatar, c'est de la volcanique. Paris est magique, Ray c'est l'halalala. Prendre le magot et tailler, wah wah wah. Paris est magique, Ray c'est l'halalala. Prendre le magot et tailler, wah wah wah. Ok. Tu voulais conquérir le monde et faire démonstration de ta force. Ouais, mais pour entrer dans la ronde, va falloir enfoncer des portes. Les portes te guettent de près, surveille tes faits et gestes. Mais toi, t'es trop rapide pour eux, tu veux tout prendre sans laisser de reste. Ta vie d'or et de pouvoir, le capitalisme t'a eu. Tu crois que t'es un conquérant, mais t'es juste un lascar de plus. Hein. Violent et agressif, inconscient face au risque. Et peu importe le compte te porte, tu veux un maximum de bif. Serrer la femme du boss et la balader en Rolls Royce. Rien dans la tête, mère, mais jusqu'aux dents et pourri jusqu'à l'os. Alors, dans ta tête, parano insupportable, peur de tomber avec tes ennemis, t'es cruel, impitoyable. Ouais, tu peux pas conquérir plus en remplissant les narines, car on n'atteint pas le sommet, le nez dans des montagnes de cocaïne. T'avais un rêve aux lèvres dans ta poche du taga, et c'est ainsi qu'on t'a appelé le petit Tony Montana. Ok. Le petit Tony Montana. Ouais, ouais. FPP, ouais, ok. Ça dit quoi? Tu sais qu'ici on est là, ouais, ouais. Ok. Yeah. Hey. Ça te fait de la boucherie pour ton portefeuille. Bienvenue à Saint-Denis, ici même un aveugle arrive à te porter l'œil. Hey, la zone est sensible, l'ambiance est tangible. On a grandi dans le risque, comprends que je m'en tape de faire les grands titres. Le RAP c'est ma thérapie. Pour être honnête, faut reconnaître que des fois j'ai évité les assises. 93 barjots, la frange la baisse, même si elle reste aussi frigide que Brigitte Bardot. Les M6 laissent aller, les man sont pathétiques. Marie mais ça les rap, mes textes t'as l'impression de manger un paquet de chips. Je veux pas ton accès VIP, toujours le même, j'aime pas les flics, je kiffe les technique avec un tas de lexique, tu veux des sales répliques. Vite, envoie un beat, un micro. Quand je kick, je nique les indiques et les mythos. Tu connais la station, c'est FPP Radio. Tu connais, c'est BPM, ouais, au micro. Woo. Yeah. Ouais, ouais. Yeah. Right. La okay. Spirale. Ok. Ah, Africa yeah. Jungle. Ghost. Okay. Check. Okay. On m'a dit t'arrêtes pas, t'as du talent. Même si t'es que stylé, t'as qu'à effriter une raide pas. Si t'as plus d'inspi, inspire. Surtout pleure pas contre leur insigne, j'insiste. Fais gaffe à toi car ils seraient prêts à te limer les incisives. Ma rage est si vive, j'en ai pas assez dit. Mais assez trimé pour ramener autre chose que des centimes. M'arracher est impossible, rattaché à ici par mes racines. Mais là-bas me fait un signe, je reste indécis. Si t'es différent, je m'arrête pas à ça. Depuis le bac à sable, je rêve de construire quelque chose de grand. Avec rien à la base, Laurent délire à la passe, me délivre un flot de malade. J'calape dans le canap, me sens vie avec une gueule de cadavre. Et j'suis minable quand j'abuse. Entre deux rives, à la fois charmé et effrayé par la rue. Ils aimeraient nous voir en garde à vous, l'un se lancer au rendez-vous. Alors pour un joint, tu peux finir en garde à vue, ma man. L'asphalte, check. Ouais, ouais. Ok. Amen. Ça fait. L'asphalte, je répète. Hey. Check. Une boucle incèse, une taille inter, un petit air de guitare, somnifère en pochetard. J'ai vu l'enfer dans mes cauchemars. Depuis tout gamin, j'ai des pulsions. Besoin d'écrire, d'écrire ma ville et son décor. Entre les silences, les soupirs, les souvenirs défilent. Les journées sans soleil et les nuits sans sommeil. Sans dormir, sans oseille, pas 100% sûr s'en sortir. Alors je continue, je persévère. Je prends de l'élan et puis j'inspire, allume un petit et accélère. Et... un petit flow à penser, un petit texte à faire. Je sais comment te faire danser, je connais mon affaire. Ouais, DJ, fais tourner le vinyle, qu'on en finisse de cet enfer. Je préfère la gratte à la barrette pour esquiver les 10 enfermes. Petit flow à penser, un petit texte à faire. Je sais comment te faire danser, je connais mon affaire. DJ, fais tourner le vinyle, qu'on en finisse de cet enfer. Je préfère la gratte à la barrette pour esquiver les 10 enfermes. SF. DJ, laisse tourner la platine. Attiré par le son, je te fais bouger dans le fond d'un parking. Je veux que tu connaisses mon flow, je m'en fous que tu reconnais. connaissent ma team, je suis égoïste et je vous emmerde, je veux qu'ils m'emblassent sur vos babines. Allez papy, je rappe depuis 6 piges et je trouve que je m'en sors pas si mal. De l'Oréane, je débite vers le futur et puissance maximale. Animal, dans la cage au fauve et cannibale, érection matinale, oublie quand les keufs débarquent chez Watt à 5 du mat. Je continuerai mon rap jusqu'à la déception. Une seule session, je raconte ma vie bof en affinant mon oral, pas de morale. M'écouter, c'est honorable et tu vas surkiffer la suite. Alors je te souhaite un bon courage. SF ou l'Innoventura, hip hop vers l'au-delà et l'infini. Mon plus grand rêve, c'est encore de poser ma voix sur un vinyle. Le saviez-vous, je suis le meilleur et je pointe du doigt celui qui nie. Je te révèle la vérité, je suis la relève de l'équiné. Un coup de guitare et c'est fini. Je m'emporte encore un mauvais sort, apportant de l'effort et qu'on y mette les formes. Encore un effort, gars. La drogue est en mauvais rapport, l'alcool m'abasourdit, mais la sourdine en mauvais forme. Un verre m'a détendu pendant que d'autres s'aérosument. J'écris mes œufs, c'est à la plume, blaze à la bombe, aérosol, ça y ressemble. Une simple inspi à la base, il me suffit que d'une acoustique et de doigts qui grattent à la basse. De doigts qui grattent à la basse. Des doigts qui grattent à la basse. C'est le début, je l'éclate. Dès que tu m'as vu, MC, fais-tu des cartes. Montrez bien surtout pas dans mes battes parce que sinon, lyricalement, je te battais. Je sais pas ce qui m'arrive, je manie la rime et la fais voltiger. Comme un acrobate en mode crazy machine, envie de crever Marine Belle à manger. Et là, j'étais sur un trottoir. Là, ça s'emballait, je manquais sans le parquet pour des 500 balles. Moi, le but, je m'attraque. Les peines sont fatales, c'est pas une arnaque. Tu dis que c'est pas mal, moi, je dis la aval. Puis t'as fait bédave, j'écrase des crânes, écarte tes fans, ne fais pas ça, mes gars. On fait ça, mais des bas, puis t'es wakek, t'es bavé, j'écrase des tasses qui écarte pour du cash. Là, c'est grave, traumatisé. Le mac à chaque fois, ça perd dans la street. Un boucan ne vient pas parler, lâche de speed efficace. Panamera, allez, pas mal, c'est la dédicace à Meda Ali, à Pamela là pour pas casser le rap, on s'adapte au 4-4 tiré, le drive, un putain de bouquet final. Bye bye, pour commencer, je veux dédicacer tous ceux qui résident en cité, harcèlement policier dans la même journée. Plus de 5 contrôles d'identité, issus d'une minorité, des familles en situation de précarité. Donc l'égalité, la fraternité, moi je dis que c'est pas près d'arriver, faut pas oublier que ce pays a été construit par les immigrés. Mais aujourd'hui, dans vos JT, on est constamment dénigré. Franchement, y'a de quoi être dépité. Et là, tu vois, faut méditer sur la façon dont nos grands-parents sont et se font remercier. Stigmatisés, discriminés, c'est devenu une banalité. Incriminé par l'arrivée d'une voiture banalisée, on a du mal à se canaliser. Pour ça que les halls sont cannabisés, la psy voudrait nous analyser. Ça panne comme si le shit était légalisé. 93 200 soldes après à tout vandalisé. S'encule la proc, ça vend de la drogue même sur les Champs-Elysées. Face à nous les M6 cash, ils sont terrorisés. C'est le détergent, la prod, ouais, normalisé. Connard, ici on t'a vu trop d'ab. A2S qui coma et qui est le coup de Thomas. C'est pour mes vrais zonards opérationnels d'Elsba qui dépouillent ton témoin à part avant même que t'arrives au tas. F, depuis que c'est Wamless, je kick mes phases blesses. Constate que même mon ego trip on les baise, wesh. T'es pas prêt, tu vas te noyer ta papier. Allez, Giro Condé, qu'ici y'a que les sous qu'on aime palper. Trop de métaphores qui pètent ta porte, évite de parler fort. Ne calcule pas l'effort, la concu ne fait pas d'effort. Ils disent qu'on n'a pas les codes, je kick ta carrière est mort. Avec mon gars sur la prod, évite tout, chuchot, j'ai la forme. C'est Paris, Alger, kick Nerel, Tanché, y'a danger. Je crois qu'ils sont pas préparés, ces speeds viens pas nous arrêter. Je passe la deuxième check à 2S, passe le mic, saute par la fenêtre, aratatata, c'est la calache, invasion de flot dans les parages. On kick partout, mais des bananes, des terres comme un banabana. On part de rien, veut tout banam, les rageux diront que c'est pas mal. Mais au fait, je te le rappelle au cas où tu sais pas, moi c'est FLK pour les gens qui ne m'aiment pas. BPM, FPP, aïe, aïe, aïe, au fond à côté du radiateur. Allez, checker la page Facebook BPM, yeah, tout se passe, ouais, ouais. Au fond près du radiateur, c'est comme ça, faut pas avoir peur. Aïe, 100% freestyler. Merci les gars, franchement gros niveau, hein. Moi j'étais dans la cabine là en train d'écouter ça avec le son et tout, gros niveau, ça fait plaisir. En tout cas, bah, on retient un BPM, bitume plus musique, on en a eu un aperçu, on a parlé pendant une bonne vingtaine de minutes et ça a freestylé. C'était bien cool les gars, bah, on continuera de se tenir au courant et nous des événements que vous voulez promouvoir, on essaiera de les... d'un peu les diffuser et vous n'hésitez pas si vous voilà l'antenne elle est là, vous connaissez le chemin et la radio aussi si elle peut vous permettre de prendre la parole, de jacter de tous les trucs que vous faites, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Et encore une fois merci à tous, merci d'être venus, merci à tous ceux qui ont freestylé. Merci. Un grand merci. Juste, à FFP. Voilà, juste voilà, moi j'ai mon projet disponible sur Old Culture, donc SimCity, voilà, c'est très rapide. Et j'ai moi aussi mon projet, ma mixtape MCopathe qui est disponible dans la stream. Voilà, venez me voir s'il y a des gens, ou rajoutez-moi sur Facebook, voilà, LDTR. Voilà. Vas-y, cool, si vous avez encore 1 minute 30, si vous voulez promouvoir. Ouais, bah voilà, on est venu, moi j'aimerais bien présenter Megaza. Donc voilà, il y a Soul King Book aussi qui a participé au freestyle. Il est issu du groupe African Jungle. Il fait partie aussi d'un collectif qui s'appelle La Spirale, donc représenté par l'homme qui est derrière toi. Et Badem aussi. Et il y a Ghost aussi. Donc voilà, ouais. Je vous invite à aller checker le morceau qui s'appelle Aubameyang, qui est sorti sur YouTube, qui est très très lourd. Et voilà, plus de 800 000 vues, voilà. Allez cliquer, continuez à cliquer. Ouais, supporter, c'est la famille, ça bouge up. Et big up, franchement, big up à BPM, franchement, merci ça beaucoup. Fait plaisir. Et à la radio aussi de nous avoir invités. Ouais, un grand merci à FPP. Allez checker la page Facebook BPM, c'est là que tout se passe. Tous les événements, Bitume Plume Musique. Tous les votes pour les open mic et tout est dessus, voilà, allez liker et partager le mouvement et encore un grand merci à FPP pour cette invitation. Merci ouais. beaucoup. Big up. Pas de soucis les gars, bah écoutez, on va passer une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec le festival d'autodéfense populaire qui a lieu à Toulouse. Il y a des camarades sur place qui vont nous appeler, qui vont nous présenter un peu le projet. A tout de suite sur FPP 106.3 FM. J'ai charbonné la zik, à défaut de réussir ma vie. Je me suis pris des chances dans le dos et pas des petits canifs. J'anime la rime même après, dit tonneau sur l'asphalte. Elle a sa blême si depuis les mercredis, il faut y a carré. Je remonte en bas et je te parle pas de la cave. Demande à Char comment on passe le mal avec des litres de rhum dans nos cartables. Incomparable, bonne école comme si je venais du Queens. Ma vie veut embrasser la mort et seuls les acteurs ressuscitent. Je veux du bif mais pas en baissant le flûte. Il se disait mais la musique, mais j'entends bien que rares sont les couplets sans flûte. Nique sa mère l'écran, encore pire les ventes. J'espère respirer pour éviter que mon ennemi vente. Ramène des cendres de tes ennemis avant de venir parler de faire une descente. Fils, on n'oublie pas de qui tu descends. Et en décembre, un soir de gel de l'air glaciaire. Le premier renoi et nuit de toute la terre, ma frère. Et si la guerre m'appelle, demande à Fav, j'irai. À la base, si vrai, grâce de Djihel, va faire appel. Moi je règle l'affaire sans faire la paix, après aucune douceur, même si tu ramènes Adèle. Je vais faire la paix avec le mot colère. Et putain de merde, tu grillais comme le Samsung dans un état potel. Bientôt je m'arrache au Jex, voir Polo et l'autre fille. Moi j'en galère, mais j'ai la volonté d'Apollo Creed. Rapologique, je sais pas, j'perds à ma vie, j'arrive. Tous les gamers t'égalent, bail de cheval, on marche, j'arrive. J'canalise un cataclysme, Kadhafi. J'pile mes batteries, j'les recharge, alcaline. J'connais pas leur code, j'écris comme ça vient. À Noël, c'est pas des jouets, mais des prods que j'avais sous le sapin. Roule ça bien comme un blunt au cognac et gros zep. Le jour où j'remarche, non, j'ai pas ramené de l'eau fraîche. Jamais refait à part devant le micro. J'ai la plus belle, j'm'en bats les couilles de la Vénus de Milo. J'arrive à fond 30ème en DeLorean, moi j'suis comme mes frères. J'fais un retour dans le présent, des soirs complètement sous seul au bar ou après 15 verres. J'rentrais chez moi en titubant. J'en ai abattu de la route depuis mon crash. Depuis ce temps-là, j'débute local. Révise ton rap, tes manières de faire. J'm'en bats les couilles de ta prison et tes barrettes de merde. Depuis que j'arrête de perdre, j'ai beaucoup moins d'amis. Mais j'fais la différence entre les MPC et puis les boîtes à rythme. Papi. Bonsoir, vous êtes toujours au fond près du radiateur dans l'émission de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et évidemment, vous êtes là avec nous tous les mardis de 19h à 20h30. Et là, on va passer Raphaël qui est au téléphone et qui va nous parler d'un festival antifasciste. Bonsoir. À Toulouse. À Toulouse. Bonsoir Raphaël. Ouais, salut. Salut, on est en direct là. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux présenter un peu à voilà ce festival? Ouais, du coup, je vais passer des ans carrément de la créa. Donc la créa, c'est la campagne pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion. C'est un mouvement qui est à Toulouse. Et aujourd'hui, il y a un festival un peu pour fêter les 5 ans. Tu vois, c'est sur 10 jours. Et je vais te passer directement les gens, comme ça ils vont t'expliquer, on est en direct de là-bas, de Toulouse. Et du coup, je sais pas si c'est qui veut commencer. Je te passe Mathieu. Ouais. Festival, du coup, demain on... Ah ouais, salut, allô. Allô ? Bah ouais, on t'entend, Mathieu, vas-y. Du coup, non, demain, on fête les 5 ans parce que c'est la journée spéciale autour des réquisitions et des luttes du logement. Mais c'est surtout un festival d'autodéfense populaire sur 10 jours qui vise à faire se rencontrer des lieux, des luttes, des groupes, des collectifs de lutte autonome et tenter de construire un réseau d'autodéfense populaire avec tout ce monde-là. Et voilà, et du coup, il y a des thématiques chaque jour qui essayent de faire croiser différentes luttes et d'un peu partout. Bon, après, c'est un truc qui est sectorisé sur Toulouse, et voilà, ça se passe au centre social autogéré, qui est un des bâtiments de la CREA. Et du coup, voilà. Juste, tu peux rappeler ce que c'est que la CREA ? La CREA, c'est la campagne de réquisition, d'entraide et d'autogestion. Ça fait 5 ans. On s'organise avec les gens qui sont à la rue, qui sont dans la merde, qui n'ont pas de logement, les gens qui veulent arrêter de payer un loyer, etc. Et on prend les bâtiments vides et on fait des maisons autogérées et qui se fédèrent entre elles. Et du coup, il y a souvent un centre social autogéré qui est un gros bâtiment principal où il y a des activités, où on s'organise, etc. Où il y a des habitants aussi. Et puis d'autres bâtiments, et puis ça dépend des époques. Et voilà, et on s'auto-organise pour prendre les bâtiments, mais pour trouver de la bouffe et la partager, des fringues, des meubles, les activités, scolariser les gamins, les galères administratives, tout en fait quoi. Et voilà, et du coup on fait aussi des choses comme essayer de s'organiser avec d'autres collectifs et d'autres luttes pour que nos résistances elles soient moins isolées et voilà, qu'on soit plus fort. Voilà, je vous passe quelqu'un d'autre. J'ai parlé longtemps. Qu'est-ce que s'il y a de la musique, quels sont les thèmes que vous voulez aborder lors de ce festival aussi, ça nous intéresse aussi. Alors déjà, les gens, si ça les intéresse, ils peuvent aller voir. Il y a sur autodéfensepopulaire.net où il se passe tout. Il y a même les comptes rendus. En fait, c'est une thématique par jour. Aujourd'hui, c'était les luttes des femmes, des personnes LGBT. Là, en ce moment, on est sur un temps plus sur la santé communautaire et l'antipsychiatrie. Et voilà, mais les autres jours, par exemple, le dimanche, c'était pour la journée internationale des prisonnières et des prisonniers palestiniens. Samedi, c'était Arnaud Bernard, dans un quartier populaire du centre, les luttes des migrants et de soutien et contre les frontières. Du coup, demain, c'est la journée sur le logement, squat, répression administrative. Et voilà, qui sera aussi les 5 ans de la CREA. Et le jeudi 21 avril, c'est une journée anticarcérale et contre tous les enfermements. Vendredi 22 avril, c'est consacré au quartier populaire, aux violences policières, à tous les racismes, à l'islamophobie, négrophobie, romophobie. Et du coup, pareil, il y a des collectifs d'un peu partout qui vont tenter de construire des choses ensemble, quoi. Des gens d'urgence notre police assassine qui seront là, du FUIQP, du Front Uni des Immigrations des Quartiers Populaires, de Comité Vérité et Justice, et puis des luttes sur Toulouse. Et voilà. Samedi, il y a une grande manifestation des luttes d'autodéfense, enfin pour l'autodéfense populaire. Et dimanche, il y a une action et puis une AG de finale pour mettre en commun toutes les propositions concrètes de mise en réseau qui ont été faites et pour commencer à bosser sur réaliser un réseau concret. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait présenter un peu aussi ? Ouais, on peut le pas. Salut. Allô ? Quand on m'a dit que je parlais arabe. D'accord. Salam alaikum. Oui, bonjour. Je vais vous parler de Kriya. Je vais vous parler de l'arabe. Je ne sais pas si je suis français. Je ne sais pas si je suis حاجة باهية وتعاون وكل شيء صرتوا العباد معها ما عندهاش حل معناها ما عندهاش وين تسكن ما عندهاش وين لا برشا حاجات دي هون Allô. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler les dates et puis juste un point, c'est qu'est-ce qui se passe là-bas concrètement ? Est-ce qu'il y a aussi des places occupées ? Parce que c'est intéressant vu ce qui se passe comme actualité à Place de la République. On sait que un peu partout en France, il y a aussi différents lieux qui sont occupés sur les places, de savoir aussi si ça a lieu et de rappeler un peu les dates. Et voilà. Bah, là, c'est encore quelqu'un d'autre. Hein. Du coup, les dates du festival, ça, on voulait qu'on les répète ou si Mathieu vient de les... Non, c'est pas ça. C'était... J'avais posé une question qui était très simple. C'est est-ce qu'aussi il y a des places occupées là où tu es et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de et, tout et ça. Et s'il y a un lien avec voilà. Le festival de la Créa, quoi. Bah, alors, juste... Vas-y, là, tiens, je te passe une pote. Ouais, sur les dates, là, en fait, là, aujourd'hui, il y a eu une grosse action parce que le Conseil général de la Haute-Garonne, du coup, par rapport à la situation des mineurs isolés sur la Haute-Garonne, il y a eu des grosses actions dans la journée par les mineurs qui sont logés à l'hôtel, parce que le Conseil général de Haute-Garonne a décidé de mettre tout le monde à la rue et de plus accueillir des femmes de moins de avec des enfants de moins de 3 ans et les mineurs du coup qui arrivent et qui demandent à être pris en charge normal en tant que mineur, quoi, en tant qu'enfant. Et du coup, là, voilà, ils ont tout coupé. Mais du coup, ça a enchaîné sur, ouais, il y a l'occupation, du coup, devant le parvis, en ce moment même, du Conseil général à Toulouse. Et, ouais, du coup, avec une manifestation aussi qui s'est déroulée cet après-midi. L'actualité, là, c'est, enfin, pour nous, c'est ça, quoi, ce qui se passe à Toulouse. Voilà, après, le CSA, je sais que... Enfin, juridiquement c'est expulsable, mais il y a des choses qui se discutent. Et c'est bien qu'on ait pu avoir un bâtiment, le CSA pour le festival. Je sais pas quoi dire de plus. C'est quoi le... Bah, ce qu'on vous propose, c'est de rappeler les dates pour surtout s'il y a des personnes là où voilà pour communiquer sur les infos et puis aussi dire un dernier mot. Et puis ouais, on vous remercie en tout cas de votre appel. Ouais, bah du coup là on est en plein dans le festival qui dure jusqu'au dimanche 24 avril. Mais après ça, sinon du coup le dimanche ça sera la G finale de tous les jours et du bilan. Après du coup tous les de manière permanente, tant qu'il y a le CSA, c'est tous les jeudis à 18h, il y a une assemblée. Du coup, tous les gens qui veulent venir, ils se présentent à 18h au CSA et on parle de tout ce qui concerne la campagne. Ensuite, il y a le site autodéfensepopulaire.net et l'adresse anti-rabcréa 2016 à tryzop.net. Du coup, c'est pour tous les gens qui veulent plus d'infos et tout, ils peuvent aller consulter ou communiquer par ça. Et sinon, le CSA, il dure jusqu'au... Là, on est sûr qu'il va durer jusqu'au 31 mai. Du coup, on essaiera de le tenir et de maintenir des activités. Tous les vendredis, il y a vendredi de la solidarité aussi qui est là. Du coup, on essaye de se connecter soit avec des habitants, soit avec des personnes ou des mouvements qui nous sont proches pour créer des cantines populaires et essayer de ramener du monde et tout et de faire un peu d'argent pour des causes ou des gens en galère. Et puis, à part ça, voilà. C'est creatous.squad.net aussi, voilà, l'adresse. Et voilà. Bon, vas-y, je te repasse la personne pour la radio, là. Ouais, Mouloud aussi, c'est pour dire, en fait, là-bas, ce qui est bien, c'est que tu as notamment Canal Sud, la radio libre de Toulouse, qui fait des émissions en direct. Ils ont une caravane, tu vois, en bas du bâtiment. Et il y a une web radio notamment que vous pouvez trouver sur www.autodéfensepopulaire.net. Il doit y avoir le stream de la radio, vous pouvez écouter toutes les émissions. Chaque jour, tu vois, tu as une émission en direct avec les gens qui participent aux activités et tout. Mais sinon, je vous laisse le mot de la fin à vous tous qui faites partie de la campagne du Créa et tout. Je sais pas si vous rajoutez quelque chose ou quoi. Du coup, j'encourage toutes les résistances dans toutes les villes de France et je vous répète notre phrase qu'on a depuis 5 ans et qu'on maintient dans la rue, dans les squats, pour toutes, pour voir au peuple. Aussi, bête de génération de lycéens, franchement, oh, allez les lycéens. on regarde, on est bien. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une très belle ambiance, j'imagine qu'il y a du soleil là où vous êtes, c'est très bien. En tout cas, c'est très bien de nous informer de ce qui se passe un peu ailleurs, en région parisienne et au-delà. Parce qu'évidemment, et heureusement pour nous, eh bien, il y a des résistances qui se font un peu partout. Et c'est très bien. Et on espère qu'en mai, faites ce que ce qui vous plaît, c'est ça, ou un truc comme ça. C'est un peu comme ça. Hein. Je fais un lien avec la fiche de la CGT qui dénonce la répression policière. Et nous, on est pour ces affiches qui dit, je crois, CRSSS. C'était en mai 68. Et je trouve que ça, de réactualiser ça aujourd'hui au niveau de la répression policière qui a lieu, eh bien, c'est super classe. Et nous, on ne va pas porter plainte contre la CGT. Au contraire, si l'affiche elle est super classe, on va l'afficher entre parenthèses. Et puis merci à vous en tout cas, bravo. Et puis à très bientôt. En tout cas, là on va faire peut-être une petite pause musicale parce qu'il faut quand même pouvoir respirer un petit peu. Et puis on se retrouve dans l'émission Au fond près du radiateur en direct comme tous les mardis. Voilà. Ouais, du coup, c'était juste. Donc une petite conclusion avec les gens de la campagne de réquisition, d'entraide et d'autogestion. C'est la CREA, donc c'est sur Toulouse. Le festival, c'est jusqu'au 24 avril. Donc allez-y si vous pouvez aller faire un tour. On essaiera peut-être de vous retransmettre du son qui a été pris là-bas vu que Raph y était sûrement avec un micro. Là, on va faire une pause musicale et on va conclure cette émission avec Anaïs qui nous a préparé plein de chroniques. Et on va s'écouter donc... un truc qui s'appelle All Stars, mais je ne sais pas, et c'est sur la clé USB de Robinson, grosse dédicace. Voilà, à tout de suite au fond près du radiateur. Brentford All Stars. Un peu de reggae, nom de Dieu. Bonjour, bonsoir, vous êtes toujours dans l'émission Au fond près du radiateur sur 106.3 FM de 19h à 20h30 les mardis, donc c'est du direct et c'est paraît-il rediffusé et j'ai toujours l'horreur qui me manque parce que peut-être que je ne me lève pas à 8h du matin. Donc bref, vous allez retrouver ça et puis je sais qu'on nous écoute de plus en plus paraît-il. Alors, première question, Rob, qui est là, oui. Robinson, oui, pour les intimes. Ouais, voilà, parce qu'on n'a pas encore couché ensemble, donc on dit non, Robinson, non, voilà. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qu'on a écouté vite fait? Alors, Brentford All Stars, on est sur une instrumentale jamaïcaine et sans parole, donc, pour faire justement cette petite parenthèse musicale. Et là, on va parler un peu des luttes, des grèves au campanile et des, avec de l'actualité. Avec Anaïs. Alors, moi, je vais présenter vite fait les points que vous allez aborder. C'est la grève du campanile à la Tour Eiffel, c'est ça ? Exactement. Nuit debout chez Renault. Voilà. Nuit debout face aux provocations d'Alain Finkielkraut. Je pense que vous avez dû voir vite fait ce truc. Et le texte sur le secret d'affaires. Voilà. Oui, alors on a décidé de reparler, évidemment, de conclure d'une certaine manière sur... la grève qui s'est déroulée au Campanile. Nous avions reçu deux employés il y a à peu près un mois. Ça vient de se terminer. Elle nous avait parlé donc l'objectif principal de cette grève, c'était d'insérer dans l'entreprise, de recruter tous les employés qui étaient en sous-traitance. Et évidemment, plusieurs augmentations de salaire, diminution du nombre de chambres à l'heure, etc. Donc c'était au Campanile Tour Eiffel. Anaïs va pouvoir nous parler de ce qu'ils ont obtenu. Hein. On peut bien préciser que c'est une belle victoire pour eux, hein, Anaïs. Effectivement, bonsoir à tous. Effectivement, c'est une très belle victoire. Alors, après un mois de grève, le personnel de chambre qui demandait de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire a enfin obtenu gain de cause. Cela s'inscrit dans une série de luttes de plusieurs hôtels comme le Parc Hyatt, le Royal Monceau et le W Paris Opéra qui ont lancé le mouvement car la précarisation de ces emplois se généralise. Ce samedi 16 avril, l'accord de fin de conflit a été signé. Les salariés luttaient contre le mépris, la pression et la surcharge de travail dont ils étaient victimes. Ils réclamaient la fin de la sous-traitance. La sous-traitance dans l'hôtellerie, c'est des heures non payées, des cadences infernales, des salariés qui tombent dans les pommes. Enfin, je connais vraiment le système et vraiment personne ne voudrait travailler là-dedans. Donc, ces salariés ont gagné leur intégration dans l'entreprise. Ils ont également obtenu des augmentations de salaire et le versement de 75% d'un 13e mois grâce à leur détermination et le soutien de la CGT-HPE. Une prime de transport, une indemnité nourriture et les jours fériés payés à 100%. Leur cadence également diminue de 25%. Alors avant, elles faisaient 4 chambres par heure. Aujourd'hui, elles vont en faire 3 chambres par heure. C'est moins, mais c'est très dur. Ça ne change pas beaucoup, mais c'est quand même un gain. C'était déjà de l'exploitation, en fait. Une salariée s'exprime. On ne regrette rien, on n'allait pas laisser nos collègues crever et on continue toujours à se battre contre la loi El Khomri, dit celle qui était présente le 31 mars dernier à la manif. Le dirigeant de leur hôtel avait été assigné au tribunal car il faisait remplacer les grévistes. Le groupe sous-traitant STN comparaîtra le 28 avril devant les prud'hommes pour régler les heures non payées. Avec un salaire de 643 euros par mois pour l'une d'elles, comment ne pas qualifier cela d'esclavage ? Ah oui, clairement, hein, c'est terrible. Ensuite, je vais vous parler de la nuit debout. Oui, Anaïs, pour donner d'autres détails, on peut préciser que voilà pourquoi ils ont été mis au tribunal. Ils ont employé des stagiaires, ils ont fait appel à du bénévolat pour les cadres, donc la grosse blague. Voilà, et on peut parler du rapport de force qui s'est rétabli. Enfin, qui a été en leur faveur, c'est-à-dire vendredi, ils sont allés devant le siège social à la Défense et tout de suite les négociations ont commencé après un mois. Bravo à eux avec tout ce qu'ils ont gagné, des augmentations de plusieurs centaines d'euros. Contrairement voilà, au Royal Monceau où ça s'était bien terminé, mais difficilement, le Qatar était en phase, donc on comprend la difficulté pour les grévistes à ce moment-là. Ben Rob, là, tu soulèves le point justement du rapport de force qui est très important. Et ce qui s'était passé au Royal Monceau, justement, ce qui avait permis la fin du conflit et le début des vraies négociations, c'est que le grand groupe Royal Monceau, le grand groupe Raffles, était venu du Canada, s'était déplacé parce que ça salissait son image. Et grâce à ça, les négociations ont pu commencer. Ouais. Vraiment. Donc là, on va faire un autre point, c'est sur Nuit debout chez Renault. Alors, tu peux nous expliquer Nuit debout chez Renault. Alors, parce que... ce matin à 7h30, une centaine d'étudiants et participants à Nuit debout s'est invités chez Renault Guyancourt. Ils ont appris il y a quelques semaines qu'un salarié prestataire sur le site était menacé de sanctions disciplinaires pour avoir incité par mail les syndicats et salariés du centre à voir le film « Merci patron » et à participer à la Nuit debout. Un tract a donc interpellé les salariés ce matin, les invitant à rejoindre les salariés de tous les secteurs qui appellent à la grève générale reconductible le 28 avril. Alors enfin non, si j'ai bien compris, le fait d'appeler à voir un film est aujourd'hui une sanction dans un pays qui veut la démocratie et tout. On est au summum de... Bah ouais, hein, merci la dictature. Ouais. Hein, et paraît-il que ce pays a considéré que la culture est un art très important, l'exception culturelle. Là, c'est quelque chose assez, qui interroge sur le savoir-vivre de cette classe dirigeante. Voilà, évidemment, j'invite les gens aussi à voir ce film documentaire qui analyse, qui est vraiment une mise en bouche des valeurs de la bourgeoisie et dont Bernard Arnault est le principal représentant. Ouais, d'ailleurs, c'est bien que tu le précises. On invite donc les auditeurs à voir ce film quand ils le peuvent. Il est diffusé dans les luttes, notamment autour de, de la place de la République ou sur les places occupées en France. Il faut rappeler aussi qu'il y a des places occupées en banlieue où c'est intéressant d'aller. Je pense que vous le rappellerez sur le plateau. Il y avait aussi un autre film, j'en profite parce qu'on parle de film, après tu pourras rebondir, c'est donc un film sur la lutte des ouvriers de PSA qui a été réalisé donc, par une dame proche de la CGT et qui montre notamment autour du syndicat de la CGT toute la lutte dans la grève de PSA dans le courant de l'année 2012 et 2013. Et comme c'est un sujet dont on avait beaucoup parlé dans l'émission, j'appelle vraiment les auditeurs à le voir et après peut-être à nous envoyer des informations sur ce qu'ils en ont pensé et en parallèle peut-être aussi réécouter nos émissions et les interviews et les reportages qu'on avait fait. Donc c'est un film qui s'appelle Comme des lions et que vous pouvez voir à l'espace Saint-Michel en ce moment même. Ce sera intéressant voilà, compte tenu de tout ce qui s'est passé d'aller voir ce film qui représente quand même bien la lutte des ouvriers de PSA. Ouais, je ne vais pas rajouter un point, mais c'est vrai que pendant pratiquement un an on avait suivi et on avait pu interviewer à l'intérieur donc les grévistes, l'action qui était menée, et c'est vrai que c'est relativement intéressant de voir en image et voilà qu'est-ce que ça veut dire la lutte de ces gens, la difficulté de faire grève et la répression aussi autour de ces luttes voilà. Et peut-être qu'on va continuer un peu, voilà. Et là c'est nuit, je lis mon anti-sèche hein, parce que je suis au fond près du radiateur, il faut toujours avoir des anti-sèches. Et là, c'est Nuit debout face aux provocations d'Alain Finkielkraut. Voilà. Justement, on reste sur le thème Nuit debout. Hein. Donc, nous étions, nous, samedi à Nuit debout. Alain Finkielkraut y était pendant plus d'une heure et on n'a vu aucune altercation, justement. Pourtant, les médias, cette semaine, exposent les insultes dont Finkielkraut aurait été victime sans exposer les insultes que lui a proférées envers les participants de Nuit debout. Alors, il aurait dit « pauvre conne, fasciste oh », il les aurait menacés de coups de latte et autres. Télérama écrit même, je cite, « plutôt que de révéler le vrai visage sectaire du mouvement, l'incident, aussi malvenu soit-il, restera plutôt le symbole de l'épineuse question de la conflictualité de l'espace public ». Le Figaro également écrit, selon Alain Finkielkraut, « tout le monde s'en fout de Nuit debout ». Ma conclusion, c'est que Nuit debout dérange. Les médias accordent à ce monsieur une importance démesurée. Les mêmes médias qui sont à la botte du pouvoir en place ne font qu'exécuter des lignes éditoriales sur lesquelles ils n'ont plus tant de liberté. Une pétition est par ailleurs en ligne à ce jour, demandant à Bolloré, le patron de Canal, de ne pas supprimer le petit journal, ce qu'il souhaite faire. Cela s'inscrit dans cette ligne de nettoyage et d'épuration des médias. Quelqu'un veut réagir ? Exactement. On peut parler de... Il disait qu'il n'y avait pas de mixité, c'est ça ? C'était sectaire, c'est ça, apparemment ? Tout à fait. Télérama estime que le mouvement est sectaire. Ce qui dérange, c'est sûrement la mixité qu'il y a. On a vraiment tous les âges, tous les cadres sociaux professionnels, sans emploi aussi, retraités, jeunes, enfants. Clairement, ils ont envie de faire une étiquette autour de ça, pour essayer de cadenasser le mouvement, décrédibiliser évidemment, le toute mouvement. La droite, Jean-François Copé, etc. Mais non, ceux qui peut-être nous écoutent, ils n'y sont toujours pas allés. Foncez-y, franchement, vous allez passer un bon moment, vous pouvez discuter très facilement avec tout type de personnes. Personnellement, je n'ai jamais rencontré autant de personnes aussi facilement que là-bas, même en festival, ce n'est pas aussi facile. Et on peut ajouter par rapport aux événements, demain, d'abord, il y a un rassemblement devant la place de la Bourse à Paris, des collectifs d'action, certains groupes d'action. Plusieurs milliers de personnes sont attendues, ça risque d'être bien sympathique, devant la place de la Bourse. Et demain soir, après 21h, après l'AG à Nuit debout, il y a un petit événement musical quand même, c'est l'arrivée voilà, d'un orchestre, au moins 150 personnes d'un orchestre vont jouer la Symphonie du Nouveau Monde. Donc c'est demain autour de 21h, 21h30 à la Nuit debout, place de la République, à Paris. Yes, yes, yes. Toujours justement sur cette histoire de la nouvelle symphonie. Alors, si vous voulez participer à ce bail, c'est assez simple. Vous ramenez votre instrument, vous téléchargez la partition sur Internet, ou Twitter, Facebook, Nuit Debout, tout ce que tu veux. Il y a les partages qui sont en live. On vous invite à voir aussi dans toutes vos communes. Je sais qu'à Pantin, il y a des Nuits Debout qui sont montées. À Saint-Denis, il y a une Nuit Debout qui s'est montée. À Marne-la-Vallée, il y a une nuit qui s'est montée. En ce moment même, il y a l'AG qui dure jusqu'à 22h à République, avec des commissions, commission LGBT, commission sécurité, commission nettoyage, art, il y a une radio, on vous invite vraiment à aller faire un tour, vous faire une idée par vous-même, et s'il vous plaît qu'on ne parle ni des médias ni de ces chiens de soupe en, voilà, je les vomis, on les vomit tous, parlons d'autre chose s'il vous plaît, et si on invite tous les auditeurs qui n'ont rien à foutre ce soir, il fait beau, il fait chaud, allez rencontrer des gens, place de la République, franchement ça fait super plaisir. Voilà, c'est bien de lancer des appels comme ça, et c'est vrai que ça y a un foisonnement d'initiatives quand même en ce moment, de dynamiques qui sont vraiment intéressantes à aller voir, et au-delà peut-être à participer, toutes les commissions qu'a cité Jean. Il y a aussi des choses qui se font un peu en parallèle, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des camarades, des copains, des copines qui ne se reconnaissent pas tout le temps forcément dans les débats de Nuit Debout, et notamment de la place de la République, comme je le disais, il y en a aussi en banlieue maintenant, et c'est intéressant de voir comment en fait on se transforme des AG de ville finalement, de local, et comment quelle dynamique elle propose. Il y a aussi un truc moi que j'avais relevé qui me paraît important de relayer, c'est un comité, donc un appel à participer à des comités d'action et à les organiser, et du coup il y en a un qui par exemple se réunit demain à 20h à la Bourse du Travail de République, c'est juste à côté de la place. Et donc juste, je voulais vous lire le premier paragraphe de leur appel qui laisse suggérer le reste. C'est « Nous ne croyons pas au dialogue social, entre guillemets dialogue social, comme il est dit dans les médias, dont seuls les patrons profitent, mais au rapport de force construit collectivement par les personnes concernées. C'est déjà difficile aujourd'hui de lutter, de faire grève, de contester son patron ou sa hiérarchie. » Voilà, c'est après un appel qui s'appelle « Au travail, partout, organisons des comités d'action ». Et donc il y a une réunion publique demain à 20h à la Bourse du Travail, et comme je sais pas, un milliard d'autres initiatives qui se passent dans la Nuit Debout, à côté, au travers, au loin, tout ça, il se passe plein de trucs quoi. D'accord, et peut-être qu'on fait une petite pause musicale et on revient avant de conclure, voilà, simplement. Sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Au fond près du radiateur 106.3 FM. Moi je ne vous les fais pas en rappeur parce que c'est très difficile pour moi et c'est impossible. Donc on est de 19h à 20h30. Les dernières minutes, eh bien on va déjà les poser la question sur le texte, sur le secret d'affaires. Voilà, tu peux nous en dire quelques mots. C'est une loi qui est sortie. Hein. C'est un texte, ouais, européen. Alors là, 10 jours après les Panama Papers, est voté au Parlement européen à 77% ce texte, pourtant accompagné d'une pétition de 500 000 personnes en sa défaveur. Moi-même, j'ai signé contre le texte sur le secret d'affaires. Donc je dis quand même qu'au Parlement, il y avait 99 absents européens, donc je ne sais pas où ils étaient. Mais, Comme d'habitude, hein, en train de boire un coup, oui. Et se branler. Il y avait Marine Le Pen quand même qui a voté tout pour, évidemment. Tout à fait. Donc justement, les 74 eurodéputés français ont approuvé à 81%. C'est-à-dire le Front National a approuvé, le Parti Socialiste a approuvé et les Républicains. Par contre, Écologie Les Verts et Front de Gauche ont voté contre ce texte qui dissuade les journalistes et les lanceurs d'alerte d'aller à la pêche aux infos. Les secrets d'affaires nous concernent tous, qu'il s'agisse de secrets financiers, secrets de santé publique ou même secrets de ce qui menace notre environnement. Ce sont les travailleurs qui payent le prix des caisses qui se vident au profit des évasions fiscales. Les mesures du texte sont: les lanceurs d'alerte doivent fournir la preuve que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l'intérêt public. Également, nous savons que les journalistes et lanceurs d'alerte ont les protections les plus faibles, alors que les entreprises disposent des meilleurs avocats et juristes d'affaires. Pour se défendre, lorsque le secret des entreprises auront été obtenu, utilisé ou divulgué de façon illicite, elles pourront faire juridiquement appliquer des dommages et intérêts ainsi que des droits au secret. Dans le cas des Panama Papers, justement, de nombreuses sociétés offshore créées par des entreprises ne tombent pas sous le coup de l'illégalité. Ces entreprises auraient ainsi pu utiliser la directive pour faire taire les médias. Les 28 États européens, dont la France, ont aujourd'hui 2 ans pour inscrire cette directive dans leur législation nationale. Donc pour l'instant, elle a été votée au niveau de l'Europe, mais elle n'a pas encore été votée au niveau de la France. Quand on sait que François Hollande et Manuel Valls avaient bloqué en pleine nuit, en décembre dernier, une loi visant à instaurer plus de contrôle sur les évasions fiscales, à quoi doit-on s'attendre, nous, Français, sur ce texte qui sera voté peut-être en France ? Ouais. C'est-à-dire que... Vas-y. Non, parce que c'est vrai que c'est important de montrer l'autre face de la pièce, finalement, parce que après les scandales des Panama Papers, on a eu le droit à tout un tas de réactions, genre soi-disant indignées de nos exemplaires hommes François et femmes Hollande, politiques. Qui s'est Manuel dit indigné, Valls, hein, voilà, et qui François avait quand Hollande. Même bloqué une loi contre l'évasion fiscale. Exactement, comme tu l'as rappelé, en décembre 2015, il y avait déjà une loi sur l'évasion fiscale. Et c'est en fait... C'est vraiment schématique, presque stéréotypé, la façon dont, d'un côté, ils ont un discours médiatique très, très lissé, très beau, et de l'autre côté, voilà, c'est les pires... voilà, enfin, quand on pense aussi à Laurent Wauquiez qui tape toujours sur les chômeurs, les précaires, les demandeurs d'emploi, les gens qui touchent le RSA, et quand on sait qu'un mec comme ça, il a... Un compte en Suisse, non ? Il a un compte... En tout cas, il pratique l'évasion fiscale. Voilà, en fait, on sait très bien que si ils veulent de l'argent dans les caisses de l'État, en vrai, la principale source qui pourrait leur amener beaucoup d'argent pour après, tu vois, avoir de l'oseille dans les caisses de l'État et éviter de taper sur le régime des intermittents, sur le chômage, sur les services publics ou quoi, c'est de traquer les gens qui pratiquent la fraude fiscale. Sauf que ces gens-là, c'est les gens qui sont au pouvoir. Et donc, à un moment, c'est le serpent qui se mord la queue. Ils vont pas se traquer eux-mêmes. Donc, d'un côté, ils vont faire des beaux discours et de l'autre côté, ils vont voter des lois concrètes qui protègent leurs petites activités et qui en plus mettent en danger et criminalisent les gens, les lanceurs d'alerte entre guillemets, les gens qui dévoilent leurs petites magouilles. Donc voilà, on peut pas avoir plus clair que ça en fait. C'est vraiment De dire, même s'ils arrêtent, je sais plus quelle île, il y aura une autre île qui sera fait pour ça. Il n'y a pas besoin de faire... ils ont un dispositif d'une armée de policiers et de justice qui peuvent dévoiler tout, mais c'est possible. Donc il n'y a pas besoin de questions de loi. Et je crois que c'est intéressant aussi de rappeler que la plupart des entreprises du CAC 40, les sièges sociaux ne sont pas en France, mais à l'étranger, type Renault en Belgique. Et ce n'est pas par hasard, c'est pour éviter de payer l'impôt sur les sociétés. Donc une partie des grandes entreprises officiellement ont le droit de délocaliser. Et c'est, vous avez des avocats, des comptables qui ont l'art et la manière et qui sont payés pour ça, pour jouer des lois. Et ça marche très bien. Et même des quelques lanceurs d'alerte, déjà, ils en font trop. Et je trouve que il suffit de regarder un peu le mécanisme de ce truc. C'est de dire... On paye trop d'impôts, on n'a pas assez de Ferrari, quoi. C'est juste ça la question, quoi. Il leur faut combien de Ferrari pour qu'ils soient heureux ? C'est juste une question comme ça. C'est des gens addicts à des Ferrari et ils sont prêts évidemment à ruiner les gens, quoi. À affamer le peuple, à étouffer. Et je trouve que c'est assez révélateur de cette philosophie de ces gens en haut qui s'appellent Macron et d'autres. Voilà, ça dit clairement qu'est-ce qu'ils pensent de l'aspect humain. Il y a des gens qui doivent crever et d'autres qui doivent bouffer de l'argent. Voilà. Et puis on va terminer puisque on termine sur un mot en mai, faites ce qu'il vous plaît. Voilà. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous, vos derniers mots ? Et puis un big up pour tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas là. Et plein de bonnes choses, une bonne continuation parce qu'on est seulement au mois d'avril. Donc le mois de mai, c'est dans, paraît-il, 2 semaines. Il fait très soleil. C'est beau pour les manifestations, beau pour le moral et beau pour la danse, la musique. Le savoir-vivre, c'est la solidarité, c'est l'humanité et c'est le droit de riposter. Cher ami, à vous l'antenne. Merci pour l'invitation, hein, FPP 106.3. J'espère que je serai réinvité dans peu de temps. Avec plaisir. Au revoir. Allez, la lutte continue. Merci à tous et bonne soirée. Ciao. Ah, c'était Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Je vous redonne les petites infos. Un petit info utile pour nous joindre, c'est au fond près du radiateur @no-log.org. Si vous voyez des films comme Merci Patron, comme Des Lions ou quoi, bah envoyez-nous vos avis, ce que vous pensez, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et puis on remercie aussi le collectif BPM qui était là en début d'émission, Bitume Plume Musique, avec tout un tas d'invités, de freestylers qui ont envoyé du lourd sur notre émission. Vous pourrez retrouver d'ailleurs cette émission en podcast, www.aufondpresduradiateur.fr. Voilà, c'est là que ça se passe. Et sur Facebook aussi, on a une page, une petite page. Voilà. Et bah, big up à Mouloud, Anaïs, Robinson, Janos. Et puis Raph qui nous a appelé de Toulouse. Il y a Mousse qui n'était pas là. On lui fait un gros bisou. À la semaine prochaine. Ciao. My concepts reside.